La Belgique et qu'elle est un nazi déguisé en démocratie. Un jour, vous comprendrez. Et après moi, la même chose à Scobourg. Parce que moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. La Belgique dit qu'elle est un nazi déguisé en démocratie. Mais qu'il y a les restes des autres. La Belgique dit qu'elle est un nazi déguisé en démocratie. Pas ma soeur. C'est pauvre. L'ombre de ma propre vie. La Belgique n'est qu'un état nazi déguisé en démocratie. De toute façon, après moi, elle est un policier. Et après moi, des milliards d'années. Chez les nazis, hein? Parce que quand ils ont un bronzé, ils le tabassent, hein? Et ils lui mettent un flingue ici, hein? Voilà Dieu, mais Dieu n'a pas d'armes. Parce que moi j'en suis l'univers, je l'ai créé. Mon pays est 10 000 fois plus grand que le vôtre. Et ton café, tu vas le chercher chez moi. Parce que moi je suis pas Georgie Colombien. Parce que si dans ce pays, il n'y a rien, hein? La tragédie d'un fils de pute malade et un certain inconscient. Et voleur de souffrance. Ici, la seule chose qui pousse, c'est le malheur. La Belgique, c'est le paradis des fous. Viens, frangin, viens. T'as été un peu. C'est ça, moi, je te dis. C'est bien du manger, Carlos Campo Miranda. Après moi, une âme. Parce que si mes bisous se transforment en cachot et en menottes, tu vas voir, après moi, l'état belge. J'aime la poésie, mais ma passion m'a mis au cachot parce qu'il devait me rester une vie de 14 ans sur la chose. T'as vu mes vidéos sur internet? Non, moi j'ai pas internet sur la rue, mais j'ai eu un papier sur Parce que la Belgique n'est qu'un pays. La Belgique n'est qu'un pays nazi déguisé en démocratie. Le roi des Belges n'a qu'un marionnette, et lui repose la marionnette, tous ses ministres et tout ça, tu veux être fils des putes. Tous ces gens qui nous contrôlent, ce sont que des malades. Tu le sais, hein? Dieu, ça très bien. Tu vas dormir où? Pourquoi tu es au casier? Je peux aller avec mon chien, je vais me débrouiller, ça va. Mais alors. Ça fait plusieurs années que je me débrouille, Moi, je te vois fou. Ouais, t'inquiète, je suis fou. Moi, je sais que t'es pas fou. C'est eux qui sont fous. Mais c'est vrai. Ouais, c'est ça quoi. Ils font semblant de jouer aux démocrates alors que c'est les mêmes qui reviennent quoi. Contrôle, c'est la Gestapo en vrai quoi. Et en catimini quoi. Avec quoi payer. Moi j'ai toujours mangé mon abonnement donc Moi j'exècre tout pour vous. Et tout ce qui n'est pas. Voilà, ils sont 13 et oui, bon. Moi je suis né ici malheureusement, je suis congolais. Ah, tu es loin, ouais. Moi je suis belge. Tu fais quoi? c'est la même chose, hein. C'est la Gestapo, quoi. Alors ils prennent quoi? Alors ouais, la grande place, ça tombe bien. En attendant, ils enculent le Mali. C'est pas parce qu'ils ont besoin de l'aide de l'école, quoi. Ah oui, c'est pas. Mais il n'y a pas de menu. Ils sont plus patins, c'est bien. Il faut qu'il y ait du danger, du chaos, des traits aussi, du bonheur. Il faut qu'il y ait les deux, sinon il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que l'ordre venu des hommes et la folie d'un homme. Personne ne doit contrôler ça. La vie ne se contrôle pas dans le monde, sauf chez les fous. On ne peut pas contrôler quelqu'un chez qui on a mis autant d'énergie. C'est vrai qu'on contrôle l'énergie, les fous. Ah ouais, oui, clairement. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr, je... Mais moi, c'est vrai, 80. Je prends le rêve. Bon. Ah, tu prends le rêve. Mais maintenant, qu'est-ce qu'un rêve? Définis ce que c'est un rêve. C'est quoi un rêve? Mais un rêve, c'est le prolongement de moi-même. Qui pourrait se retrouver dans autre chose, des trucs comme les symboles, c'est intéressant. Pourquoi définir et mettre toujours Rêver, c'est une continuation de moi-même. Et faire des cauchemars. C'est ça qui m'a dit ça. Et puis après, j'ai dit oui et j'ai continué dans ton sens parce que je voulais que. Mais moi, j'ai pas de sens. Mais je n'ai pas. Moi, je suis un artiste international. Les vidéos sont sur internet. On va dire que je continuais dans ton point de vue. J'essayais de mettre ma plaque dans ton point. Des philosophes. Mais la philosophie, c'est. C'est penser qu'on comprend. Un philosophe, il pense qu'il comprend. Il est comprenant. Oui, c'est ça, quoi. Mais la poésie, c'est ce qui me devient bien plus. Bonne soirée quand même. Ouais. Vous savez qu'on s'aime pas, mais j'ai trop de soirée.